fais le mariole, moi je traîne pas de casserole, vas-y fais le mariole, moi je traîne pas de casserole, vas-y fais le mariole, moi je traîne pas de casserole, vas-y fais le tachon, moi je vais pas te lâcher. Personne sous cachet, oh personne nous cachons. Trop de chansons, un chi, un peu de rage nous crachons. C'est de l'espoir qu'il faut lâcher, aucun mot nous ne mâchons. On n'est pas des gars branchés, pas fachos, nous nous fâchons. De toute façon, c'est le bise, la bise entre cave et pouf. Paillettes de mise, mes potes des ouf, tranquille. Sorti du groupe, tout se rempile, pour une maquette et pas pour une compile. Mon album comme un bébé, dur d'accoucher avant que l'esprit décroche. Des années gâchées à rater le coche, tu pécaches. S'il savait combien on a brûlé de pages, combien d'heures la plume a saigné, résigné par l'écaille. Voici un titre bien sensé. Bien sensé, bien sensé, comme les CSC. C'est toujours la même voix, celle qui se lève et te rend fou. C'est toujours la même voix, celle qui traîne depuis le début. C'est toujours les mêmes rois, pour nos potes on reste debout. C'est toujours la même voix et on tente les plus beaux coups. C'est toujours la même voix, celle qui se lève et te rend fou. C'est toujours la même voix, celle qui traîne depuis le début. C'est toujours les mêmes rois, pour nos potes on reste debout. C'est toujours la même voix et on tente les plus beaux coups. Une vie bien remplie, toujours bien occupée. C'est le culte oracle où t'as des gaines, franchement tu fais pitié. Range tes chaussettes sous le pantalon, ta mère voulait faire toi un bon garçon. Mode de rue t'as croqué à l'hameçon, l'alarme sonne, t'as craqué, t'aimes la crasse. La merde des tours des blocs sous le porche. Bédave, trappe d'icave, les boucaves te fauchent, cache, cache. Samedi soir c'est le placard où la grosse quiche, cache, cache. Voir ta mère en pleurs au parloir, tu t'en fiches. Tu penses qu'à rouler des spliffs et en Benz. Les délires ont bien changé, tu t'en mets plein zen. Cherche pas, dans mon royaume je focalise pas. Balle d'amalgame avec le bon son, les bons gars. Pas de ceux qui tirent sur les pompiers, ma rage, mes rimes ne sont pas pompées. Pour toucher le rêve, on ne pourra pas ramper. L'envie de fonder quelque chose afin de partir en paix. L'envie de fonder quelque chose afin de partir en paix. C'est toujours la même voix, celle qui se lève et te rend fou. C'est toujours la même voix, celle qui traîne depuis le début. C'est toujours les mêmes rois, pour nos potes on reste debout. C'est toujours la même voix et on tente les plus beaux coups. C'est toujours la même voix, celle qui se lève et te rend fou. C'est toujours la même voix, celle qui traîne depuis le début. C'est toujours les mêmes rois, pour nos potes on reste debout. C'est toujours la même voix et on tente les plus beaux coups. J'ai changé de style, mais ça taille toujours un peu. Y'a pas de street life, de bye bye ça die. Comme une odeur de bœuf chez les condés. Pas de concert bondé, pas besoin de ça pour être comblé. Quand je répète, je ne suis plus foncé. Le sérieux P, tu le sais, beaucoup l'ont prouvé. Victoire de la musique, pour ma famille ça serait vraiment magique. Ma vire lactée pour te couper la chic, disque d'or. Vouloir battre tous les records, en comité sans nous quitter pour une major. Depuis 10 piges, l'espérance ne paie pas. Mais garde ton succès furtif comme les saltes ne paient pas. Même si ça te plaît pas, one love à province à chacun de mes pas. C'est toujours la même foi, des potes bien barrés. Soyons forts et marrons nous sembler. Sans deck, sans eux, peut-être que mon style serait foutu. Dans la mélanco, la bonne vibe est revenue. Ouais, grâce à eux, de retour, il faut que ça tue. C'est toujours la même voix, celle qui se lève et te rend fou. C'est toujours la même voix, celle qui traîne depuis le début. C'est toujours les mêmes rois, pour nos potes on reste debout. C'est toujours la même voix, et on tente les plus beaux coups. C'est toujours la même voix, celle qui se lève et te rend fou. C'est toujours la même voix, celle qui traîne depuis le début. C'est toujours les mêmes rois, pour nos potes on reste debout. C'est toujours la même voix, et on tente les plus beaux coups.